sages et moi, d'un dimanche de brume, à couper le couteau, quand la lumière s'allume, quand le pas s'arrête là, on vit compter les plumes, et rire le chapiteau, que le village assume. C'est alors que le temps, l'éternel inconquis, se mit à oublier qu'il était notre ennemi. L'éternel arrivant, qui s'invite sans ennui, nous cesse d'exister, assidu à épris. Traîne le dimanche soir, quand c'est l'heure, bientôt des départs, des amours, regards. Quand c'est l'heure que le train repart. C'est avant, juste avant, que sous le chapiteau, joviaux jongleurs jouissent des anneaux anormaux, de fougueux palpitants, des musiciens d'oiseaux, et comme les clones trahissent la petite goutte d'eau. Et c'est là, juste là, sur leur siège de broc, les regards se pavanent, plutôt contents du troc. La lumière s'éteindra, le rideau fera flop, et comme les yeux acclament, et tu voulas plic-ploc. Traîne le dimanche soir, quand c'est l'heure qu'il est déjà tard, et des enfants bavards, quand c'est l'heure déjà d'être en retard.